Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 3, Gaumet du Pré 1862. Question 35. Du dégoût spirituel. Le dégoût spirituel est un péché, spécial, mortel, l'un des vices capitaux. 1. Le dégoût spirituel est-il un péché? Le dégoût est défendu dans l'Écriture sainte, où on lit « Ne vous fatiguez pas des liens de la sagesse » Ecclésiastique 6, 26. Le dégoût est une tristesse qui abat tellement le courage, que l'on ne prend plus de plaisir à faire quoi que ce soit. Plusieurs le définissent, une torpeur de l'âme qui empêche de commencer le bien. Cet état est mauvais en lui-même et dans ses effets, en lui-même, car il implique l'ennui du bien spirituel, qui est un vrai bien, dans ses effets, parce qu'il fait abandonner les bonnes œuvres. 2. Le dégoût est-il un vice spécial? Le dégoût n'offrirait pas l'idée d'un vice spécial, si on l'entendait, en général, de toute espèce de tristesse touchant le bien spirituel renfermé dans les actes de chaque vertu. Il n'est pas de vice qui ne repousse le bien spirituel d'une vertu, et, de la sorte, le dégoût est commun à tous les vices. Mais, comme tous les biens spirituels ont leur centre dans le bien divin qui est l'objet de la charité, vertu spéciale, c'est le propre d'un vice spécial aussi de faire ressentir une tristesse au sujet du bien divin, dont la charité se réjouit. Ce vice s'appelle le dégoût. 3. Le dégoût est-il un péché mortel? La tristesse du siècle, a dit saint Paul, opère la mort. 2 Corinthiens 7, 10. La tristesse du siècle, c'est le dégoût. Un péché est mortel dans son genre lorsque, de lui-même et selon sa nature propre, il est contraire à la charité. Tel est le dégoût. La charité ayant pour effet propre la joie que l'on trouve en Dieu, le dégoût, qui est une tristesse ressentie au sujet des choses divines, est évidemment un péché mortel dans son genre. Observons, toutefois, que, parmi les péchés mortels de leur genre, il n'y a de vraiment mortels, en pratique, que ceux qui sont produits avec un parfait consentement de la raison, et que si un péché existe seulement dans la partie sensitive de notre âme, sans obtenir le consentement de la raison, il n'est pas mortel, à cause de l'imperfection de l'acte. Dans ces principes, le dégoût n'est un péché mortel que dans le cas où la raison consent à repousser, à détester et à fuir le bien divin. Note. Ce péché consiste dans l'éloignement du bien divin auquel l'âme doit s'attacher, et non pas dans l'éloignement de tout bien spirituel. Lorsqu'une personne s'attriste de ce qu'on l'oblige à des actes de vertu qu'elle n'est pas tenue d'accomplir, elle ne pèche point par dégoût. On ne tombe dans ce péché que quand on s'attriste volontairement des choses qu'on est obligé de faire pour la gloire de Dieu, il se rencontre même dans les saints quelques mouvements imparfaits de dégoût. Fin de la note. 4. Le dégoût est-il un vice capital? Les hommes, qui entreprennent beaucoup d'œuvres à cause du plaisir, se donnent aussi beaucoup de soins à cause de la tristesse, soit qu'ils veuillent l'éviter, soit qu'ils se laissent entraîner par elle. Comme le dégoût est une tristesse d'un certain genre, il est rangé, avec raison, parmi les vices capitaux. Note. Le dégoût, dans la série des péchés capitaux actuellement adoptés, est désigné sous le nom de paresse, que Bossuet définit, une langueur de l'âme qui nous empêche de goûter la vertu et nous rend lâche à la pratiquer. Voir, Catéchisme de Meaux leçon 6. Il engendre, suivant saint Grégoire, la malice, la rancune, la pusillanimité, la lâcheté, Le désespoir est la dissipation d'esprit. À quoi saint Isidore ajoute, l'oisiveté, la somnolence, la curiosité, la loquacité, l'agitation du corps et l'instabilité. Fin de la note. Markandanarchive.org 2020, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.